Les belles rencontres. Bonjour, je me présente, je m'appelle Anne Bergeron, artiste peintre. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter un artiste demeurant à Dadouel qui va nous parler de son œuvre, de sa démarche artistique, Gilles Larivière, sculpteur émérite de l'Estrie, qui a beaucoup d'actifs relativement à son art, comme différentes participations à des symposiums en Europe, entre autres. Il a enseigné au cégep de Sherbrooke et lors de symposiums à Dadouel, il fut président d'honneur ainsi que l'organisateur. Bonjour Gilles. Bonjour. La beauté de tes œuvres découle d'un talent et d'une imagination dotée d'études assez poussées jusqu'à la maîtrise. En étudiant les beaux-arts à Montréal, qui a orienté ton choix vers la sculpture plutôt que d'autres choses? Disons qu'en commençant à l'École des beaux-arts, pour moi, je pensais devenir un peintre parce que l'idée d'être un artiste, c'était ça qu'on avait en tête toujours, là. C'est ce qu'on voyait beaucoup. Mais j'avais toujours de la facilité à bricoler des choses, à travailler avec des matériaux. Et puis, naturellement, quand on commence à l'école, on y va de façon générale. Hein. On n'étudie pas que la peinture, on étudie aussi sculpture, dessin, et puis... C'est ça, on essaye plusieurs médias. C'est ça, puis je me suis passionné vraiment pour le modelage au commencement, parce que ça, on commence avec ces matériaux-là. Oui. Et puis, j'avais beaucoup d'encouragement, parce que là, je réussissais bien. Et puis, même si la peinture m'intéressait toujours, j'avais beaucoup plus de facilité en sculpture. Et puis, en plus, les matériaux coûtaient très, très cher. Mm-hmm. Et puis, l'opportunité d'étudier aux Beaux-Arts, tout était fourni comme matériaux. Ah, oui. Et l'équipement, parce que c'est des ateliers très complexes. Puis, j'ai dit, ben, je vais en profiter au moins, que ça, c'est une expérience que je pourrais pas faire souvent. C'est pour ça que j'ai choisi la sculpture. C'est ce qui t'a orienté vers ça. Oui, j'aimais beaucoup ça aussi. J'avais un oncle artisan sculpteur aussi que je connais, moi, qui sculptait le bois. Fait que tu étais déjà à connaître ça. C'est ça. J'étais un petit peu sensibilisé, mais pour moi, c'était la sculpture traditionnelle, ça m'intéressait moins. Mais à l'école, j'ai découvert qu'on pouvait faire des choses vraiment différentes. Ça veut dire que tes sujets d'inspiration, à ce moment-là, ils étaient plus abstraits si tu disais que le traditionnel t'attirait moins? C'est vrai que j'avais tendance à penser que l'art actuel ou l'art moderne, c'était surtout de l'abstraction. Puis c'est vrai qu'on était dans une lancée d'art abstrait au niveau des artistes professionnels. Et puis, j'ai complètement laissé tomber la figuration au début, quand j'étais à l'école. Quand j'ai fait des sculptures, j'ai commencé aussi à travailler dans le métal. On travaillait avec du métal en feuilles, on faisait pas des coulées en bronze. Ah oui, vous faisiez aussi du métal en feuilles. Oui, c'est ça. C'était complet pendant votre cours. Oui, on travaillait de l'acier, puis c'est un atelier vraiment, un gros atelier lourd, là, de soudure, puis... Et j'ai fait aussi du travail de la sculpture en pierre, mais je trouvais que ça se travaillait pas assez vite. Ah oui! Je trouvais que l'assemblage avec l'acier, ça allait très bien. OK. Est-ce que avec le temps, tes sujets sont devenus figuratifs ou si c'est devenu un mélange des deux quand tu as commencé à sculpter pour toi-même, pour des projets en dehors de l'école? Ouais, ben je pense que c'est ça, c'est venu tranquillement. Je m'en suis pas aperçu beaucoup parce que mes premiers projets connus publics, c'était vraiment des abstractions, mais il y avait vraiment je me suis aperçu qu'il fallait toujours qu'il y ait quelque chose que ça symbolise un peu. Alors tranquillement, même si les formes étaient abstraites, j'étais un peu rattaché à du réel. À une symbolique par rapport à ça. Puis, mon premier projet de 1%, je l'ai fait ici à Sherbrooke, à la Sûreté du Québec. À Sûreté du Québec, c'est des motifs qui ont été placés sur la sculpture, parce qu'il est sur la clôture extérieure. Oui. Et puis, là, j'ai cherché à savoir comment j'étais pour faire ça. Puis, étant donné que c'était articulé, la clôture, j'ai fait comme des espèces de grosses pentures, en fait, au coin. De la clôture, puis aussi il y a une grille qui se ferme, puis ça fait comme une boucle qui se referme, et la clôture est jamais fermée, alors on le voit pas vraiment tout ensemble. Mais ça fait déjà des années que c'est fait. Mm-hmm. Puis par la suite, ben, en même temps, j'avais fait aussi le monument Galt pour le ministère des Parcs gouvernement fédéral, qui était à peu près à la même occasion, mais là, c'était une sculpture qui était moulée, mais c'est vraiment pas une sculpture qui représentait le... c'était un monument pour, à la mémoire d'Alexander Galt, qui est en fait fondateur, celui qui a contribué à développer le chemin de fer dans la région, puis c'est un homme au point de vue fédéral qui est très très reconnu, et puis j'ai fait une sculpture un peu abstraite en fait, qui a un peu de parenté avec la sculpture que j'ai réalisée devant l'hôtel de ville de Dodswell en fait, là, dans le parc. Dans le jardin patrimonial de Dodswell. Le jardin patrimonial. Oui. Mais quand on te demandait, comme tu as fait la sculpture à la Sûreté du Québec et plus Galt, est-ce qu'on te demandait un symbole ou on te laissait carte blanche pour pouvoir créer? On nous laisse toujours carte blanche. Toujours carte blanche. La seule chose qu'on nous impose dans des projets comme ça, c'est l'emplacement de l'œuvre. Les contraintes naturellement de sécurité, l'agencement avec l'édifice. L'enfant esthétique qui va avec ça. C'est ça. Puis justement, il y a tellement des... C'est un milieu aussi très conservateur. Bon, la construction, parce que c'est pas tout. Les architectes ils ont une certaine ouverture, sont assez sensibles, mais c'est souvent des comités naturellement qui jugent aussi en partant des comités qui représentent les organismes, qui représentent des usagers aussi, des places. Et puis, les gens sont toujours inquiets de savoir est-ce que c'est une symbolique, ça veut-tu dire quelque chose? Est-ce que ça risque, d'être mal interprété? Entre autres, la clôture de la Sûreté du Québec, puis j'ai jamais pensé à ça. Moi, je pensais qu'à des peintures, puis il y a des gens qui m'ont dit, c'est bien, t'as fait des menottes. Mais c'était pas des menottes, mais ça ressemble. Oui. C'est vrai qu'il y a un petit lien qu'on pourrait établir. Mais c'est ça, c'était... Puis je me suis fait demander, ça veut rien dire, t'es sûr? Ben, oui, j'ai jamais voulu rien dire de spécial. Pas, mis à part que je voulais mettre en valeur les liens qu'il y avait entre les sections de la clôture. De la clôture. Et ça, ça fait travailler l'imagination des gens, puis c'est ça qui était intéressant. C'est pas couler dans le béton. Ouais, c'est ça. Des projets. Toi, quand tu fais tes sculptures, est-ce que tu utilises seulement le laiton ou si tu varies le matériau? Oui, je varie les matériaux, mais j'ai quand même commencé assez tôt à travailler le laiton pour... Pourquoi le laiton? Parce que, étant donné que je travaillais le métal, j'avais pas encore travaillé le laiton, mais je travaillais l'acier, puis l'acier, il y avait pas beaucoup de procédés pour le conserver intact, pour ça rouille facilement. Ah oui. Et puis, au moment où j'ai commencé, il y avait pas beaucoup de place où ils faisaient soit des couches de peinture efficaces ou de vernis. Le vernis éclatait tout le temps, puis ça rouille. Puis c'était très difficile à entretenir, ça fait que l'œuvre se dégrade trop rapidement. Fait que le laiton, c'était un petit peu le bronze des pauvres. Parce que c'est du métal en feuille, ça coûte beaucoup moins cher, malgré que c'est très coûteux. C'est beaucoup moins cher que de faire couler une pièce en bronze, par exemple. Alors, puis, ça me permettait de faire des choses beaucoup plus étendues, qui avaient plus de volume. J'ai utilisé aussi l'aluminium au début. Mais je connaissais pas beaucoup les procédés de soudure de ces métaux-là, ce qu'il fallait que je travaille avec des soudeurs professionnels qui soudaient mes pièces. Moi, je taillais mes morceaux, puis je leur disais comment me souder. Je faisais la finition, par exemple, puis les installations et tout. Mais c'était un long processus, mais c'est ça qui m'a amené à travailler avec des métaux un peu différents, comme justement le laiton puis l'aluminium. Puis après ça, par exemple, dans mon atelier... ici à Dodswell? Oui, à Dodswell. Ou ailleurs? Oui, c'est ça, partout où je suis allé, je me suis construit. Au début, je vais louer un atelier, après ça, j'en ai construit un à Scott Corner, où j'habitais. Puis après ça, quand on est déménagé... vers Sherbrooke. Encore une fois, il fallait, c'était une condition, il fallait qu'il y ait un atelier en quelque part, oui. Mais c'est toujours, ça prend ça, parce qu'on peut pas faire ça dans une maison. Non, même pas dans une cave, là, faut vraiment que ça soit une bâtisse. Il faut que ça soit aéré, c'est bruyant, faut faire attention, naturellement. Même si j'ai pas été toujours méticuleux pour protéger ma santé, là, mais le plus possible, on essaie, là, vraiment que, de pas avoir des effets secondaires d'utilisation de certains matériaux. Est-ce que tu es obligé de te mettre un masque à ce moment-là? Ou... De plus en plus, conscient de la sécurité de plus en plus, oui, mais au début, je ne l'étais pas. Wow, c'est ça. Puis pour le métal, là, j'ai toujours mêlé mes matériaux sans protecteur d'oreille, puis j'en souffre légèrement aujourd'hui. Donc, j'ai un petit peu plus de difficultés avec mes oreilles, mais aujourd'hui, je ne fais plus ça. Je me protège. Masque, protège-oreille et tout. Mais est-ce que aussi tu fais de la récupération parmi les d'autres métaux? Tu sais, il me semble que j'ai déjà vu des petits oiseaux avec des clous, des choses comme ça. C'est vraiment de la récupération. Oui, oui. Ça, c'est merveilleux. C'est aussi. J'aime pas jeter des matériaux. C'est quand quelque récupères. Chose est intéressant, okay. Je le récupère. Puis. Okay. J'ai même la difficulté à acheter des retailles de métal. Ça peut toujours servir, mais c'est qu'à un moment donné, l'entrepôt devient plus important que l'espace pour travailler. Donc, faut un peu s'en débarrasser, mais je conserve des choses, je les réutilise. Des fois, ça m'inspire. Ça fait travailler aussi ton inspiration, ta conception. C'est ça. Mais c'est sûr que travailler avec des matériaux neufs, on est totalement libre au niveau du concept. Tandis que quand on part avec des matériaux déjà existants, ça fait travailler l'imagination autrement. Ouais. Puis quand tu travaillais, comme tu disais tantôt, ton laiton, là, tu pouvais le souder toi-même. Tu n'étais pas obligé, comme l'aluminium, d'aller... Fait que ça, c'était un avantage aussi, d'avoir cette liberté-là, faire. Mais aujourd'hui, j'ai quand même appris à souder d'autres matériaux, moi. Par expérience. J'ai vu les soudeurs travailler, j'ai vu quel équipement il y avait, puis j'ai enseigné dans des ateliers au cégep, l'atelier de sculpture où j'enseignais le métal, on a travaillé avec des matériaux différents, je me suis informé, j'ai appris, puis finalement, je peux souder d'autres matériaux. Ben oui, c'est ça, avec toute l'expérience, ça c'est sûr. À suivre.